Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, votre épisode où on vous donne pas les sujets complètement phares, mais des compléments de veille autour des nouvelles technologies. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi et très fier de retrouver mon compère de Tech Café, alias Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Si c'était un supplément week-end, j'aurais pu essayer de la jouer, ça va mieux, mais en fait non, ça va pareil. Oui, parce que vous le savez, on enregistre tout ça dans la continuité. Guillaume souffre un petit peu d'un petit rhume, le pauvre, je sais que c'est pas le seul. Cœur avec les mains pour vous tous qui êtes enrhumés en ce moment. On vous fait des bisous, mais de pas trop près pour pas tomber plus malade. Et j'ai décidé, Guillaume, j'ai pris une grande décision de renommer... Non, je rigole. De citer les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, qu'on cite déjà dans les épisodes hebdomadaires. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils auraient pas le droit, eux aussi, d'être mis en lumière à l'occasion de cet épisode supplément, qu'en plus, ils ont l'immense privilège de pouvoir recevoir un petit peu avant par rapport au grand public. Donc, il y a Vané Filubi, Guillaume, Michael, Timothée, Didier Luthi, Tanguy Clarence, Julien, Vinel. Merci beaucoup à vous, en tout cas, qui avez fait la démarche d'aller sur patreon.com/techcafé et de soutenir Tech Café à la hauteur de quelques euros par mois. Vous profitez en échange d'un flux sans la pub du chapitrage des épisodes et donc du présent épisode supplément semaine après semaine, quelques jours à l'avance. Merci beaucoup à vous qui ne soutenez pas encore Tech Café de l'envisager. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça dans les intros. J'ai fait le truc vital, le truc le plus important, c'est d'encenser les personnes qui nous soutiennent parce qu'on a plein de choses à partager dans cet épisode. On va parler d'Apple. Quel épisode n'est pas savoureux en abordant des sujets autour d'Apple? On va parler d'écologie, de changement climatique et de décisions technologiques qui y sont liées. Encore un petit peu d'intelligence artificielle parce qu'on n'a jamais trop d'intelligence artificielle et de composants. Guillaume, on commence tout de suite avec Apple qui a une lubie. Une fois de plus, elle se manifeste, ils luttent. Ils luttent contre quoi? Ils ont le courage, Guillaume, mais ils luttent contre les boutons, les interfaces mécaniques. Dis-nous tout. Oui, bah oui, l'iPhone 15 Pro serait sans aucun bouton. Voilà, c'est tel un biactol des temps modernes. Apple veut éradiquer les boutons physiques. Voilà, ils remplaceraient tout par des boutons à retour haptique, des zones à retour haptique plutôt. Donc, je vais choquer personne avec mon profil de technopapy, mais moi j'aime bien les boutons. Tu vois, j'ai eu un smartphone à clavier, et les BlackBerry me manquent. Non, je déconne, c'est pas vrai. Les BlackBerry me manquent pas, les écrans tactiles ça va, je me suis habitué. Mais je sais pas si c'est juste moi, mais sentir les boutons sous mes doigts pour régler le volume à l'aveugle dans une poche, moi je trouve ça plutôt pratique. On s'habitue, tu vois, la configuration des boutons, ça peut être utile. Et puis bon, ben, je l'avoue, voilà, c'est satisfaisant, non? Un clic sonore comme ça. Mais si, avouez-le, et puis moi j'ai un clavier mécanique hein, depuis quelques temps, voilà, donc il est très très bruyant ce clavier mécanique, hein, surtout par rapport à mon ancien clavier, mais je c'est sais pas. C'est donc ça ! Je me posais la question l'autre fois. Oui, oui. Et oui, c'est lui. Tu l'as pas fait toi-même. C'est lui, non je l'ai pas fait moi-même, mais c'est vrai, c'est un clavier mécanique qui fait plus de bruit, mais ça me gêne pas, je trouve ça étrangement satisfaisant, tu vois, j'emmerde le monde avec mes clac clac clac clac clac clac, mais et alors, oui, ben voilà, ben je vais dire quoi, je passe tellement de temps à taper des trucs sur un clavier que je peux bien m'accorder ça, non? Hein, qui êtes-vous pour m'enlever ce plaisir sensuel du clac et du clic? Hein, c'est Apple, vous nous enfermez dans un monde aseptisé, sans bruit, un monde anesthésié de toute sensation trop intense, un monde sans aspérité, totalement lisse comme un écran d'iPad, sans bruit, sans mécanique, et non, moi je crois que je suis trop physique en fait pour cette marque. Et toi? En fait, je suis un peu comme toi, Guillaume, et je me réjouis pas forcément de plus avoir ce sentiment de clac-clac et de clic-clic-clic-clic-clic sur les boutons, notamment de volume et de boutons de power. En fait, le bouton d'accueil, je trouve que ça avait été bien fait. Le passage d'un bouton physique à un bouton théorique, quelque part, qui simulait un bouton mécanique avec un retour haptique, c'était plutôt bien fait. C'était quand même pas aussi confortable qu'un vrai clic, c'était quand même plus durable parce qu'il y a eu plein de problèmes avec les boutons physiques à l'époque. Mais c'est de manière générale, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que ça risque de manquer. Il n'y a pas ce même feeling. Je leur fais confiance sur le fait de bien le faire, mais j'ai pas forcément beaucoup d'envie de passer à de l'haptique sur les boutons volume et power. Et je rebondis juste sur ton clavier physique, parce que si je te demande si tu l'as fait toi-même ou pas, c'est qu'il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est la chaîne Abrège. Donc, c'est beaucoup de la fabrication avec imprimante 3D, de l'électronique. C'est assez bien fichu. En plus, les vidéos sont très belles et c'est traité dans plusieurs vidéos. Il a fait un projet. Il a fait son propre clavier mécanique et il a d'ailleurs cité dans ses vidéos plein de chaînes YouTube et même de comptes Instagram qui sont vraiment du clavier mécanique porn à souhait. Donc si le sujet vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Si vous êtes comme Guillaume et que vous aimez absolument les claviers mécaniques, vous allez avoir des chouettes ressources là-dessus. Apple qui veut quitter La Chine, mais bon, c'est quand même pas évident, Guillaume, parce que la Chine, on va pas se mentir, c'est un marché aussi. Oui, enfin, c'est pour la fabrication, parce qu'il a eu des petits soucis, tu sais, avec iPhone City, là, de Foxconn ces derniers temps. Les mouvements de révolte, voilà, lui aura quand même coûté potentiellement 6 milliards de chiffres d'affaires pendant la période cruciale, hein, de Noël dernier. On en a parlé maintes fois, bon, c'est une motivation pour diversifier ses chaînes d'approvisionnement, entre autres, hein, évidemment, parce que, bon, voilà, la Chine, les États-Unis, tout ça, tout ça. Donc, diversifier, oui, mais où? Alors, l'Inde est une piste. D'après le Financial Times, ça semble plus facile à dire qu'à faire parce qu'il rapporte qu'un sous-traitant indien d'Apple aura un taux de rejet de 50% pour les coques d'iPhone. Alors qu'en Chine, c'est 0%. Hein. Donc, les Chinois, évidemment, ben, ils ont déjà l'habitude, hein, des boulots demandés. Ils sont, voilà, ils sont habitués aussi aux clients et aux rythmes, aux exigences d'Apple depuis 20 ans, hein, voire plus. Ils ont une culture qui est aussi très volontariste. Hein. Ils disent presque tout le temps oui et souvent, ils poussent le zèle à faire le boulot en moins de temps que prévu. L'Inde, c'est différent. C'est pas du tout la même manière de fonctionner. Et puis, manifestement, il va falloir que, voilà, les boîtes sur place s'adaptent. Et peut-être aussi qu'Apple s'adapte de son côté, parce que, bon, il est peut-être un petit peu trop gâté, hein. T'es peut-être un petit peu trop habitué à voir ses cas de volonté faits par, voilà, dans l'heure, hein. Peut-être réviser un petit peu ses exigences, je sais pas. L'objectif, c'est quand même 25% de production en Inde en 2025. C'est pas dans la poche. Le gouvernement indien pousse bien, pousse fort. Il veut quadrupler son secteur électronique d'ici 3 ans. Et il n'y a pas que l'Inde, d'ailleurs, puisque Foxconn s'étend lui aussi, lui-même, d'ailleurs, au Vietnam. Après un bail de 50 hectares en août dernier, il y a un nouveau bail de 45 hectares qui vient d'être signé pour une usine à Bac Giang, un hub industriel tech vietnamien. Donc ce serait 30 000 employés, 300 millions d'investissements sur la table, potentiellement pour fabriquer du MacBook et de l'Apple Watch. Donc, ça avance petit à petit. Entre 0% et 50%, il y a de la marge, j'allais dire, quand même, hein, non? Oui, oui, non, mais après, à un moment, oui, ce sera acceptable, probablement, bien sûr. Ouais. Bon, 0%, c'est vraiment pas beaucoup. Ils savent y faire, quand même, en Chine. Un petit mot aussi de la virtualisation sur Mac et, en tout cas, de l'utilisation d'applications, voire de Windows avec Parallel Desktop. Bah oui, si vous avez un Mac M1 ou M2 et Windows 11 qui vous manque, voilà, ça vous démange, vous pourrez bientôt utiliser Parallels pour avoir le meilleur des deux mondes sur votre machine. C'est-à-dire Windows 11 et macOS, sur la meilleure puce ARM du marché, hein, évidemment. Alors, le meilleur des deux mondes, c'est vite dit, parce que justement, les puces M1 et M2, bah, elles sont superbes, enfin, c'est du ARM. Et donc, Windows 11, ce sera Windows on ARM. Ce qui veut dire que, bien sûr, toutes les applications Windows non natives devront être émulées, ce qui donne pas toujours forcément le meilleur du monde Windows. En plus, des soucis de performance pas au top. Ben, il y aura aussi peut-être des problèmes de driver, parce qu'il va falloir des drivers ARM adaptés, et ça va poser souci, ben, surtout pour les jeux en gros, hein, mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Parallels 18, donc, va rendre simple la possibilité d'avoir les deux OS, et tout sera automatisé, hein, le souci du TPM, du Secure Boot, du monde PC qui sera pris en charge, hein, pour passer sur Mac, bientôt, ben, bien sûr, vous serez, voilà, aussi obligé d'avoir une licence Windows, hein, pour rester dans les clous. Il n'y a rien de spécifique de ce côté-là, Microsoft n'a rien annoncé. Les pros peuvent utiliser déjà une licence pro standard de Windows 11, donc ça veut dire que les particuliers pourront sans doute faire de même, donc voilà, pourraient utiliser Windows 11 tranquille, a priori. Tant mieux, quelle bonne nouvelle. Un petit mot autour de Qualcomm, un partenaire historique sur certains aspects pour les constructeurs de smartphones, d'ailleurs. Qualcomm annonce donc, bah, deux choses, en fait. Ils annoncent effectivement le Snapdragon 8G3 et puis le nouveau modem X75. Alors, on va commencer par le modem, hein, qui sera équipé, donc, ouais, 5G Advanced. Et là, je me suis posé la question, c'est quoi, en fait, 5G Advanced? Parce que trouver des infos sur le 5G Advanced, c'est quand même une tannée. Alors, le marketing standard, évidemment, c'est plus, mieux, meilleur, voilà, surtout pour l'Internet des objets et la réalité mixte. Ok, donc on a coché les cases de hype, et après, bah, je sais pas trop. Donc quand on va sur le site de la 3GPP, l'organisation qui s'occupe de normaliser tout ce bordel, on se rend compte que la 5G Advanced, en fait, c'est la release 18 du standard, et qu'elle est en fait en pleine étude. Pour l'instant, on est au Stage 2 Freeze, donc voilà, donc en gros, il gèle une partie des nouveautés, des révisions. Il faudra attendre la fin de l'année pour entrer en Stage 3 Freeze, et seulement en 2024 pour être en Coding Freeze, c'est-à-dire qu'en gros on pose des stylos et ça sera considéré comme fini. Sachant que la release 19, bah, qui va arriver après, de la 5G est toujours en cours d'étude. Donc pour le moment, en réalité, le 3GP aligne lui aussi les études sur comment adapter la 5G à peu près à tous les trucs à la mode. La com par satellite, l'internet des objets, effectivement, la mixed reality, et même le machine learning, et je vois pas très bien d'ailleurs perso le rapport entre la 5G et le machine learning, mais bon, ils vont trouver, t'inquiète pas, ça, comme ça, ça fait une ligne, avec un mot-clé. Bon, en gros, le standard 5G est en perpétuelle évolution, et la version 18 retouche donc des points techniques, hein, qui sont censés améliorer encore l'expérience révolutionnaire que devait nous apporter la 5G il y a 2 ans, et qu'elle nous apportera sans doute en 2025 ou pas. Bon, plus concrètement, le modem X75 est équipé pour l'agrégation de porteuses sous les 6 GHz, c'est pour accélérer encore un petit peu les trucs, ça devient MIMO, comme les routeurs Wi-Fi. Ça peut envoyer deux signaux en même temps, mais tout ça, bien sûr, c'est si c'est supporté par le fournisseur d'accès, ce qui est quand même loin d'être systématique. Donc la puce est aussi un petit peu plus petite, hein, elle est 20% plus économe en énergie, elle intègre sa propre unité de calcul pour accélérer les calculs IA. Ça, c'est assez marrant quand même, donc il y a vraiment un petit puce tenseur, tensoriel, comme, voilà, comme les tensors, le tensor core, mais à l'intérieur du modem, c'est assez dingue. Et bon, ce sera utilisé pour faire tourner des algos plus évolués, pour choisir les meilleurs relais de connexion possibles, et aussi avoir une géolocalisation plus précise. En tout cas, c'est ce qui est mentionné sur le site de Qualcomm. Pour conclure avec Qualcomm, donc, j'ai parlé du Snapdragon de 8 Gen 3, donc qui est prévu pour l'an prochain. Eh bien, il semble assez prometteur, et il pourrait se payer le luxe de battre le A16 d'Apple. Pour le moment, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est une rumeur qui vient de Twitter, suite à une fuite supposée d'un benchmark, hein, de la puce qui afficherait un score suffisant en tout cas pour battre la puce Apple, tout en étant une puce de test préliminaire, donc qui ne serait pas à son plein potentiel. Et si, voilà, si on compte sur 20% de mieux pour la puce finale, comme ça se voilà, à peu près... C'est à peu près ce qui se dit, ben on pourrait très bien, ça pourrait être bien, enfin le Gen 3, disons, pourrait être bien placé en face d'un futur A17 Bionic. Surtout que d'autre part, il se murmure qu'elles seront fabriquées en majorité par TSMC en 3 nanomètres, et donc elles seraient peut-être compétitives, pour une fois, avec les puces des iPhones. Donc c'est des rumeurs, on sait que le Snapdragon G2, par exemple, lui, c'est quand même une amélioration notable, hein, cette année. Donc Apple a donné un sacré coup de fouet à la concurrence avec ses puces, donc c'est très cool pour l'utilisateur, parce que la concurrence pourrait finalement arriver à se mettre à niveau ou pas loin, et donc avec des machines qui sont nettement meilleures. Bon, c'est à confirmer, parce qu'évidemment, il faudra comparer sur pièce avec les prochains M3 et A17, quoi, donc c'est à voir. Il faut comparer sur ce qu'on a entre les mains et pas sur de la théorie, donc on verra effectivement, mais bon, c'est une possibilité en tout cas. Un petit mot autour des propositions d'Apple en matière de Mixed Reality. Le Reality Pro serait peut-être présenté à la WWDC, à savoir en juin, Guillaume. Oui, alors mais justement, tu as tout dit, c'est moi ça qui me fascine, donc c'est une micro-news que relaye Bloomberg, le Reality Pro pourrait être dévoilé à la WWDC d'Apple la prochaine, hein, donc pour une sortie officielle en fin d'année. Et maintenant, il ne reste plus à savoir quand ce sera le WWDC. Et en fait, on ne sait pas. En général, c'est en juin, c'est vrai, mais là, on ne sait pas. En juin. Et il n'y a aucune info nouvelle supplémentaire comme quoi on peut s'appeler Bloomberg et se contenter vraiment de peu pour faire un article. Hein. Surtout pour et Apple. Oui, et donc, pour compléter un petit peu cette section réalité virtuelle mixte, tout ça, qui est tout ça mélangé, laissez-moi vous raconter un article de Kotaku que j'ai vu passer et qui m'a marqué. Oui, volontiers. C'est l'histoire d'une Anglaise qui s'est vue interdire l'accès au territoire américain parce qu'elle était une travailleuse du sexe sur VRChat. Donc son visa, précisément, lui a été refusé pour prostitution. Alors déjà, je débarque complètement parce que je découvre que les États-Unis refusent de donner des visas à des prostituées. Les travailleuses du sexe sont considérées comme des terroristes aux États-Unis. Je comprends pas. C'est quoi le bail? Je comprends pas. Désolé. Alors j'étais absolument pas au courant. Mais là, encore plus fort, elle n'a eu aucun contact physique avec quiconque, puisqu'elle anime un avatar fort mignon au demeurant dans VRChat. Elle s'appelle Poopy Hexy. Et c'est tout. Enfin, elle envoie des news aussi sur les réseaux sociaux, mais elle n'a jamais rencontré personne. Elle n'a pas de rapport avec personne. Et Exy, en fait, elle voulait juste aller voir une amie en touriste. En plus, c'est tout. C'est vraiment un visa de touriste. Donc, c'est complètement absurde. Et en plus, elle n'a aucun recours. Et donc, on est bien en face de réalité mixte. C'est la réalité virtuelle et l'autre se mélange, tu vois, voire se superpose. Voilà, donc à cette occasion, d'ailleurs, j'ai découvert le côté cochon de VRChat, hein, que j'ignorais un petit peu. Enfin, bon, on pouvait s'en douter, évidemment. Hein. Le porno VR, c'est loin d'être une nouveauté, mais bon. Il existe quand même un package pour VRChat, un add-on spécifique pour permettre des pénétrations sur VRChat, hein, ça coûte 10$. Il y a aussi un add-on pour ajouter de la physique aux parties molles pour des cas d'usage que je vous laisse imaginer. En tout cas, le génie humain ne cessera jamais de me fasciner. Ouais, c'est très étrange, effectivement. Alors moi, je connaissais pas du tout pour le coup, et je découvrais ça, mais effectivement, ça donne du grain à moudre sur le fait que demain le métavers mélangera la réalité et le virtuel. Mais alors bon, là, c'est peut-être allé un petit peu tôt et un petit peu trop vite pour les conclusions à l'arrivée, en tout cas aux frontières américaines. Merci Guillaume pour cette petite section Apple. On passe du coup assez naturellement vers une orientation autour de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique avec des États-Unis qui à cette occasion ont compris. Ça y est, ils veulent mettre en place des actions de génération d'énergie verte, Guillaume. Oui, vachement beaucoup même, c'est impressionnant. Enfin, on se moque souvent de Biden. Bon, en plus, c'est vrai qu'il s'appelle Joseph Robinette Biden, tu vois, il a deux pas. Oui, quand même, ça a deux pas. C'est vrai que c'est un vieux monsieur, voilà, de plus de 80 ans, il en fait encore 5 de plus. Et pourtant, c'est vrai que quel mandat il a quand même. Quel mandat présidentiel il a, c'est incroyable. Rien que la guerre commerciale avec la Chine, la guerre par procuration avec la Russie, en plus de tous les soucis internes aux États-Unis, hein, la lutte contre les opioïdes, l'ultra-polarisation, etc. Rien que ça, ça ferait un mandat bien rempli, tu vois, ça ferait voilà, 4 ans bien rempli. Mais en plus, voilà, l'administration Biden a lancé un plan de relance économique jamais vu depuis la guerre et qui a l'ambition quand même colossale hein, de révolutionner le pays et les chaînes d'approvisionnement mondiales et même tous les équilibres mondiaux, qui d'ailleurs a bousculé même assez fort ses alliés, nous les premiers. Hein. Donc je pense que les livres d'histoire retiendront Biden quand même au moins pour ça, même si ça rate, au moins pour avoir tenté de changer profondément la face du pays et de le faire changer de siècle, quoi, pour, voilà, de dépasser l'ère du pétrole, pour tenter d'en faire une nouvelle superpuissance des énergies renouvelables. C'est un contraste vraiment saisissant avec son prédécesseur d'ailleurs, hein, puis qui avait plus ou moins tout misé sur le pognon rapporté par les hydrocarbures non conventionnels, et qui avait d'ailleurs tout défoncé, vraiment tout défoncé pour ça. Et pourtant, là, avec l'Inflation Reduction Act, donc le IRA, là, c'est déjà 369 milliards de dollars de bourses, de crédits d'impôts, de prêts, de subventions, au minimum, tout ça à l'horizon 2030. Et cette manne rend les États-Unis irrésistibles pour les industriels, qui alignent projet sur le territoire américain, et ça pourrait même aller encore au-delà. Parce que les US étant les US, évidemment, les prêts peuvent être revendus, les investisseurs peuvent s'inclure dans le processus. Et d'après le Crédit Suisse, les dépenses publiques pourraient atteindre 800 milliards avec la totalité du paquet IRA. Et si tu inclus les fonds privés, si tu mets encore en plus les fonds privés, tous les investisseurs qui pourraient arriver, ça pourrait aller jusqu'à 1700 milliards de dollars. C'est pharaonique, hein, c'est une somme qui peut changer la face d'un pays. Et c'est le but. C'est de conserver la suprématie des États-Unis sur l'électronique, avec le CHIPS Act hein, en particulier, de transitionner le pays vers des énergies renouvelables, mais bien au-delà, c'est même de faire des États-Unis le premier producteur de composants pour ce secteur, à la place de la Chine. Le but, c'est de devenir une superpuissance des énergies renouvelables, de vendre au monde entier des panneaux solaires, des batteries, au lithium, au zinc, hein, des types d'éoliennes, des solutions pour l'hydrogène aussi. Tout ça en maîtrisant toutes les étapes de la production, de l'acier pour les pales, de l'acier même pour faire les bateaux qui vont faire les plateformes offshore, bon, passant par le lithium et jusqu'à la fabrication sur place des panneaux solaires. Et tout ça en sourçant des matières premières soit directement aux US, soit en allant chercher chez des alliés de confiance, tu vois, en gros pas vers l'Est, quoi, donc pas en Chine, ni en Russie, ni tout ce qui tourne autour. Donc voilà, les formes et les sommes et les efforts engagés sont vraiment immenses. Après, le chantier, il est au moins tout autant. Hein. Parce que pour l'instant, la Chine, elle est producteur numéro 1 des panneaux solaires et aussi de batteries, entre autres, et c'est bien tout le problème. D'autant que la Chine, bah, elle aussi, elle investit à donf pour se verdir et conserver son avance. Hein. Donc c'est une véritable escalade d'investissement et d'industrialisation. Alors les analystes de Wood Mackenzie estiment que même avec l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, les US ne feront que 13% des batteries au lithium à l'horizon 2030. Et chez Deloitte, on n'est pas plus optimiste. Donc ça va être pas facile, ça va être pas rapide. Même en interne, c'est-à-dire dans le pays, bah, les projets de centrales rencontrent déjà des résistances. Hein. Puis bon, c'est pas comme si la politique américaine, tu sais, c'était apaisé, serein et rationnel. Donc bon. Alors si vous vous demandez par ailleurs, d'ailleurs, s'il y a sur Terre suffisamment de lithium, de dysprosium, de néodyme, voilà, ou juste d'acier, d'aluminium pour construire tout ce qu'on voudrait, la réponse est oui. Selon un article de MIT Technology Review, il y a suffisamment, en tout cas, des 17 des matériaux les plus utilisés, y compris les terres rares, pour se permettre même le scénario de décarbonisation le plus ambitieux. Et même, les extractions sont rentables dans le sens où elles dégagent pas suffisamment de CO2 pour qu'ils ne puissent être amortis par leur usage à la place de solutions énergie fossile. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que il va quand même falloir se fendre d'extraire tout ça. Ça va avoir des coûts, financiers évidemment, des coûts environnementaux, parce qu'une mine c'est pas très beau, il faut défoncer un écosystème riche pour la faire, c'est un vrai problème, hein. Ça peut être polluant, s'il y a des gens en proximité, il y a un problème social qu'on peut aussi avoir avec des ouvriers qui sont sous-payés, mal protégés, si on emploie des enfants, etc. Bon, il y a des défis, on va dire, après, bon, je sais pas si on a vraiment l'option de pas les relever, quoi, tu vois, on est en février, on est déjà en sécheresse. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un article qui révisait la montée des eaux et les points de bascule pour la fonte des glaciers, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu ça, surtout sur France Info, ça passe un peu partout. Ils estiment que la bascule sera autour de 1,8 degré de plus que l'ère pré-industrielle. Nous, on est déjà entre 1,2 et 1,3. Et entre maintenant et 2050, la montée des eaux serait estimée entre 50 cm et 1,40 m. C'est dans moins de 30 ans. Hein. Et du coup, COP ou pas COP, moins de 4% des scientifiques croient encore que l'objectif de 1,5 est réalisable. Et on commence à se dire que 2 degrés, ce serait pas mal comme objectif, tu vois, donc on est pas très très bien. Du coup, Biden et son IRA, peut-être qu'ils échoueront, peut-être que ce sera un demi-échec, on sait pas, mais bon, au moins il aura essayé. Voilà, pour plein de raisons. En tout cas, il aura essayé de transformer son pays. Rien que pour ça, moi, je dis bravo, papy. C'est bien, bravo. Je sais pas, ce sera suffisant, effectivement. Et puis, il y a une telle inertie au sujet de ce réchauffement climatique aussi, quand on s'y intéresse. Hein, c'est qu'au-delà du mouvement et des écarts de température, et donc, du coup, par exemple, la mesure de hauteur de niveau de la mer dont que tu évoques, y a le fait qu'une fois que le truc est lancé, ça s'emballe et que c'est de plus en plus compliqué de lutter. Là, c'est un nouveau, tu sais, c'est comme souvent ces derniers temps. C'est-à-dire, ils ont révisé des modèles, ils ont inclus des trucs plus sophistiqués, tout ça. Et puis, en général, chaque fois qu'ils révisent un modèle, c'est pire. Donc, Ouais. On se demande s'il faudrait pas lâcher l'affaire, du coup. Ce serait peut-être plus simple. Comme ça augmenterait plus. Ouais. Solution d'autruche qui se cache la tête sous le sol. Allez, le méthane, Guillaume, est-ce que ça pourrait être une des solutions envisagées? C'est vrai que, bon, écoute, l'éco-anxiété a des effets étranges, hein, selon les gens. Certains sont galvanisés et puis ils veulent lutter à fond contre le changement climatique. Ils veulent carrément faire du géo-engineering, ce qui, évidemment, pose des questions en soi. Alors, c'est le cas de gens comme David Henkel Wallace ou Peter Fikowski, qui ont une cible bien identifiée, qui est le méthane. Et bon, ça se défend parce que le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 85 fois plus puissant que le CO2, et on en produit de plus en plus. Et en plus, y a une solution assez simple apparemment pour virer le méthane, c'est envoyer des aérosols de chlorure de fer. Chlorure ferreux, enfin je suis pas très doué en chimie pour être honnête, mais en tout cas, ces sels ferreux produisent des radicaux de chlore à la lumière du soleil, ce qui provoque des réactions en chaîne qui dégradent le méthane en CO2. Donc la réaction produit du CO2, mais bon, c'est pas bien grave puisqu'on obtient la même quantité d'un truc qui est 85 fois moins dangereux. Donc c'est quand même 85 fois mieux. En fait, si on réduisait de 40% la concentration de méthane d'ici à 2050, ça nous ferait gagner moins 0,4 degrés. Donc 0,4 degrés, c'est absolument pas négligeable. T'as vu, hein, ça peut faire la différence entre une calotte glaciaire et une calotte tout court, je pense. Donc c'est pas mal. Et puis, il y a d'autres effets. Ça peut former des nuages océaniques, qui veulent larguer des trucs au large, en fait. Et donc, ça reflèterait la lumière du soleil. Donc, ça peut aussi fertiliser le plancton, qui donc bouffe plus de CO2, donc, parce que c'est ça qui bouffe le plancton, du CO2. Donc, c'est tout bénef. Alors, ça détruit un peu la couche d'ozone, mais bon, pas beaucoup, il paraît. Et voilà, le truc, c'est que ça, c'est la théorie, et on a des expériences en labo, tout ça, mais dehors, à l'état sauvage, hein, c'est beaucoup moins clair qu'on maîtrise totalement les tenants et surtout les aboutissants. Donc il y a pas mal de scientifiques qui sont un peu terrifiés, ou qui au moins appellent à calmer les chevaux, parce que là, ça va un poil vite. Alors c'est une piste de recherche, hein, c'est d'accord, mais de là, le déployer à grande échelle, c'est pas trop. D'autant que les gars font ça, c'est des entreprises privées qui font ça, hein, et ces entreprises privées qui pourraient à un moment offrir des services de compensation carbone, par exemple. Alors après, peut-être que ça marcherait, j'en sais rien. Mais c'est sans doute un peu prématuré de commercialiser des solutions de réparation du climat, parce que déjà, il faudrait sauver les meubles avant qu'ils crament, ce serait pas mal. Bon, tu voulais pas nous parler que de écologie et de réchauffement climatique, mais tu voulais quand même y associer, parce que tu as commencé à le faire avec ce sujet, mais nous parler un petit peu de sujets un peu anxiogènes. Et un premier sujet qui peut faire peur à beaucoup, c'est le pipi, Guillaume. Tu veux parler de pipi? C'est ça m'angoisse, moi, le pipi. C'est pas pareil. Ouais, moi, ce sera le pipi, moi, je te préviens. Ah oui, je sais, mec. Et oui, donc après l'éco-anxiété, l'anxiété tout court, hein, la code-anxiété, avec une nouvelle attaque assez massive à la supply chain de Python, pauvre bête. 451 packages déposés donc sur PyPy. Donc PyPy, c'est Python Package Index. Et on trouve donc plein de bibliothèques de fonctions fort utiles. Hein, et parmi ces bibliothèques, il y en a qui ont été modifiées pour inclure un malware assez malin qui cible les utilisateurs de crypto. Donc en fait, c'est du code JavaScript ultra furtif, hein, en tout cas c'est ultra camouflé, qui va créer un champ de saisie sur une page web, mais qui va aussi copier automatiquement son contenu, vérifier si c'est une adresse d'un wallet de crypto-monnaie, et remplacer l'adresse par celle du hacker qui va recevoir les fonds à la place du destinataire. Du coup, les paquets concernés sont souvent liés à l'univers des cryptos, donc ils portent des noms... En fait, ils portent des noms qui sont très proches des paquets très utilisés, comme Bitcoin Lib, Solana, Viper, CryptoFeed, etc. Donc, par exemple, au lieu que ce soit Viper, VYPER, il y a plein de variations. Il y a VPER, il y a Vipe sans R, il y a Viper avec deux P, il y a YvePER, avec des trucs inversés, etc. Mais alors, bon, il n'y a pas que ça. Par contre, on trouve aussi Panda, Matplotlib et TensorFlow. Donc, c'est quand même des trucs donc de deep learning d'analyse de données ou de mathématiques, donc il faut faire super attention à l'orthographe, parce que bon, voilà, exploiter les erreurs de frappe, c'est quand même un grand classique du détournement, donc faire toujours super attention au truc, parce que du coup, les moteurs de recherche trouvent, mais ils ne trouvent pas les bons trucs, quoi. On continue avec l'anxiété quand on constate un petit peu l'attitude réservée par des États pour gérer l'accès au porno, Guillaume. Mais oui, petit follow-up inquiétant, puisque bon, je parlais récemment d'un projet de loi en Utah qui rendait obligatoire la présentation d'une pièce d'identité pour s'inscrire sur un réseau social et pour accéder à du contenu pour adultes. Mais en fait, la Louisiane était déjà devenue le premier État requérant une pièce d'identité pour aller voir du porno. Et il y a 7 autres États qui vont lui aboîter le pas. C'est principalement des États rouges, j'ai l'impression, c'est la Floride, le Dakota, la Virginie occidentale, l'Arkansas, le Kansas. Donc ce sont des lois qui vont obliger les sites à vérifier l'âge pour vraiment interdire l'accès aux mineurs. L'Arkansas, par exemple, propose un mécanisme qui est quand même pas sans rappeler celui qui commence à être mis au point ici même avec une app. Donc voilà, c'est apparemment une app pour vérifier la majorité, etc. Évidemment, il faut s'identifier avec sa truc. Bon. Voilà, l'avenir sera-t-il aux apps citoyens, tu vois, bon, c'est va savoir. Est-ce que c'est vraiment efficace, je sais pas. Quid du porno sur les réseaux sociaux aussi, tu sais. J'ai vu récemment qu'il y a un bon tiers des ados qui vont même pas sur les noms de go, sur les grands noms du secteur. Ils vont sur Reddit, apparemment, ça semblerait suffisant. Hein. Ils vont sur les réseaux sociaux, tu trouves, et bon, ben voilà. Est-ce qu'un jour, il faudra une app, tu sais, pour s'authentifier avant d'aller sur Reddit? C'est, je sais pas, ça serait saoulant. Enfin, c'est vraiment saoulant. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer, tout ça. Ouais, la longue traîne des services un peu plus confidentiels qui couvriront peut-être une grosse partie des visites, bah, surtout si les grands et les piliers sont pénalisés sur des accès un peu difficiles avec des apps d'authentification, des trucs comme ça. On verra. On continue à parler d'intelligence artificielle. Alors je dis continue non pas parce qu'on en a parlé dans cet épisode, mais parce que on en parle souvent dans Tech Café, et donc bah voilà, ça ne s'arrête pas même dans l'épisode supplément de Tech Café. On parle d'intelligence artificielle, à commencer par des éditeurs qui font un peu comme CNET. Hein, tu nous avais parlé de cette expérience de CNET qui visait à diffuser des articles qui étaient d'ailleurs au final pas forcément très satisfaisants, mais rédigés par une intelligence artificielle. Oui, on parlait de, tu sais, de qu'est-ce qu'on valorise dans l'écriture, tout ça, enfin, les questions. Quoi. J'étais parti un peu loin, en fait, presque en philosophie. Et en fait, bah, finalement, qu'est-ce qu'on valorise dans l'écriture, on va pouvoir se poser la question assez vite, parce qu'il y a déjà des quiz, par exemple, artificiels, qui sont rédigés par une IA sur BuzzFeed. On en parlait il y a genre 3 semaines, et c'est déjà fait, hein, Buzzy veut buzzer en rédigeant des Infinity Quizzes. Donc par exemple, vous répondez à quelques questions et Buzzy vous écrit une comédie romantique personnalisée en moins de 30 secondes. Il y a aussi créer une lettre de rupture, fabriquer un cinematic universe pour vos amis et un test pour savoir quelle est la célébrité avec laquelle tu rêves de sortir, parce que oui, évidemment, c'est paru à la période de la Saint-Valentin, vous l'aurez deviné, et puis de toute façon, ça marche toujours ça, hein, quelle célébrité, bon. Donc ça y est, le contenu génératif léger hein, quand même est déjà sur Internet. À chacun de voir si ça vaut le coup hein, de passer du temps à écrire, enfin à lire plutôt une rom-com algorithmique, hein, pourquoi pas après tout, si on n'a rien de mieux à faire, je ne sais pas. Plus problématique, le contenu génératif moins léger aussi se développe, et avec toujours pas mal de soucis, puisque oui, on se souvient des déboires de CNET hein, qui avait publié des dizaines d'articles truffés d'erreurs. Et bien, cette fois, c'est Mensel qui se fait épingler, et encore une fois par futurisme. Et franchement, c'est pas glorieux, parce que la publication, donc c'est une publication pour nous les hommes, n'est-ce pas, Mensel, a osé quand même a osé utiliser une IA pour rédiger un article sur la santé, et il contenait encore des erreurs graves. Alors Mensel, c'est bon, c'est pas le New York Times, d'accord, mais enfin bon, c'est quand même un nom connu, et quand tu publies un article intitulé « Ce que tout homme devrait savoir sur la baisse de testostérone », bah t'es sûr que ça va être lu par beaucoup de gens, tu vois. Et donc c'est complètement irresponsable de publier ça tel quel, alors que ça s'est fait démonter par le médecin-chef du centre médical de Washington. Enfin, bon, ils ont pris lui, mais bon, je pense que n'importe quel toubib, à mon avis, peut te démonter ça, parce qu'il y a quand même pas moins de 18 erreurs. C'est un scandale. Alors, ce que ça révèle en réalité, c'est que Mensel est un petit peu dans la même situation que CNET, c'est-à-dire pas ouf. En 2020, tout le monde a été viré, et en décembre dernier, la rédaction ne comptait que 5 employés, dont 2 à temps partiel. Donc autant dire qu'il n'y a personne pour tenir la boutique, et que la tentation d'avoir un peu d'aide gratuite, eh bien, elle est très forte. Le souci, c'est que bah, les collègues robots ne sont pas du tout fiables, et que bon, bah, voilà, quand tu fais une publication, il faut peut-être choisir d'investir dedans. Quoi. Donc ça, c'est un vrai gros souci. Quoi. La presse morte de faim, ça fait évidemment une presse de mauvaise qualité, et c'est terrible. C'est pas une bonne direction qui est prise. Dommage. On continue là aussi avec les intelligences artificielles, mais cette fois-ci plutôt, alors notamment avec la voix, Guillaume, avec le doublage. Ben oui, on s'en sort pas. Le supplément, un supplément de news sur l'intelligence artificielle. C'est... Et oui, les IA qui prennent les boulots, ben oui, ça, on en a déjà parlé. Ça va à une vitesse incroyable. On a à peine le temps de s'inquiéter. Ben c'est fini, tu n'as plus à t'inquiéter, c'est déjà fait. Voilà. Là, c'est les doubleurs. Les doubleurs de films et de séries, en langue espagnole en l'occurrence, hein, pour l'article qui le relate, hein, qui se font d'ores et déjà remplacer par des algorithmes. Alors, L'Amérique latine semble être un laboratoire sur le sujet. De plus en plus d'acteurs de doublage sont remplacés par personne. On leur demande d'entraîner un modèle de deep learning qui peut ensuite les remplacer totalement. Donc à la base, il y a des boîtes comme Deep Dub, donc Deep Dub Dubbing. Deep Dub fait en quelque sorte du deepfake pour la voix, mais ça va loin, hein. C'est-à-dire qu'ils offrent une suite complète de services de bout en bout. Donc le script, le script original de la série ou du film est transcrit, traduit, adapté, la voix est générée en utilisant une banque de voix, et puis le tout ensuite est synthétisé et remixé. Donc Deep Dub, c'est un cas intéressant en plus parce que c'est une boîte israélienne. Alors Israël, c'est un petit pays, il y a pas tant de locuteurs hébreux que ça dans le monde, et en fait, la plupart des films ne sont pas doublés en hébreu. La plupart des productions internationales restent en version originale et sous-titrées pour les Israéliens, et Deep Dub permet de créer du contenu doublé en hébreu à la demande. Donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est pareil pour d'autres langues ou d'autres territoires ou qui sont d'ordinaire peu localisés. Et de ce côté-là, c'est plutôt positif. Après, les effets secondaires, ils arrivent assez vite, hein, puisqu'il n'y a plus besoin d'humains pour doubler chaque langue. Non seulement la piste originale suffit, mais on peut parfaitement conserver la voix de l'acteur original dans une autre langue. C'est incroyable. Donc Morgan Freeman peut parler espagnol. Morgan Freeman, il a 85 ans, hein, mais si tu veux avoir la voix de 45 ans de Morgan Freeman, il n'y a pas de problème. Il pourra doubler un film, même mort. Hein, puis comme on en parlait la semaine dernière, ça ne posera pas plus de soucis. Et à côté de ça, les pros du doublage ne sont plus requis. Hein, enfin, en tout cas, plus, sauf pour régler les algorithmes qui vont les remplacer littéralement le lendemain. Il y a une démo sur le site de Deep Dub, qui est assez bluffante en fait. Il y a une émission de bagnole doublée en français qui est pas mal. Enfin, je veux dire, le phrasé, c'est le phrasé classique du reportage TF1, tu sais. C'est genre, depuis la nuit des temps, l'humain est obsédé par la vitesse. Pour certains, l'addiction dure toute une vie. Voici machin bidule, légende des motos super trop puissantes. Bon, voilà, c'est un style insupportable. Enfin, c'est un style, voilà, c'est. Donc, le style insupportable et conservé, en tout cas en français, parce qu'en anglais, en fait, c'est le même phrasé. Et il y a aussi la version allemande et la version espagnole. C'est vraiment... C'est assez bluffant. Il y a la démo d'un film en portugais doublé en anglais, aussi, automatiquement, hein, doublé de manière complètement automatique en anglais, qui m'a pas choqué. Ça a l'air donc déjà vraiment pas mal. Alors, je suis sûr que ce sera encore mieux dans quelques années, mais c'est déjà vraiment assez convaincant, quoi. Et du coup, quid des acteurs? Parce qu'évidemment, il y a déjà des fans qui se rebellent. Certains disent qu'il n'y a pas d'âme, et bon, c'est sûr que c'est pas l'IA qui va faire des petits rajouts, des petites blagues hors script, tu sais. Bon. Après, est-ce que ça va peser bien lourd? Tu sais, Buenos Aires, c'est devenu un hub pour les compagnies IA depuis quelques mois parce que c'est un peu moins cher d'y recruter et ils peuvent créer des banques de voix à moindre coût. Mais quand je dis moindre coût, c'est $50 les 10 000 mots, tu vois. Donc c'est sans doute assez pour avoir une voix de plus dans la base de données à proposer aux clients, quoi. Donc c'est quel mal barré, quoi. En attendant d'aller chercher des algorithmes, peut-être solliciter Guillaume sur les voix de vos reportages si vous écoutez cet épisode et que vous réalisez des reportages. Ouais, je peux essayer la voix 7 à 8, je peux faire ça. Ah, tu pourras nous tenter ça. Ouais, je pensais aux voix de Capital aussi, Zone Interdite, qui ont rythmé certains de mes dimensions. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils se forcent à parler comme ça tous, c'est assez marrant. Alors ça, j'avais cru voir passer des articles sur le sujet, mais effectivement, t'as raison, ça peut être un beau sujet. Si vous avez des billes là-dessus, ça peut être intéressant, effectivement. Et c'était ce moment... Non, j'y arrive pas en plus. Moi, je sais pas faire ça. Attends, le truc sur le Go. Tiens, le prochain sujet, c'est sur le Go. On va essayer. Alors, les IA sont fortes, mais pas forcément invincibles. On avait bien sûr longtemps parlé à l'époque de la victoire d'AlphaGo sur Lee Sedol, le champion de Go. C'était en 2016, et on parlait d'une étape majeure franchie par le deep learning, tant le Go était réputé impossible à maîtriser par les machines comparé aux échecs. L'explosion combinatoire est tellement plus rapide dans ce jeu que l'approche calculatoire ne marchait pas. AlphaGo avait alors développé ses propres tactique, un alliant combinatoire et vision plus globale, plus proche de ce que ferait un être humain. Ça va ? C'est pas mal ? Ça passe. Ouais, bon. C'est moins convaincant que tout à l'heure, je trouve. Ah merde, non mais tu vois, j'ai perdu le truc. Il manque peut-être des intonations de voix qui seraient un petit peu séparées entre les phrases. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça aussi les voix dans Zone Interdite. Plus proche, mais pas totalement humain non plus. Depuis cette époque, AlphaGo a pris sa retraite. Il n'a jamais été rendu public. Par contre, des moteurs de Go qui fonctionnent comme lui ont été développés, et l'un d'eux, KataGo, est disponible et considéré comme étant à la hauteur d'AlphaGo, donc niveau champion du monde. Ça, c'est plus. Ça marche. Bon, par contre, on va arrêter parce que je pense qu'il y a des gens qui vont arrêter d'écouter. Moi, je serai un auditeur. On se fait plaisir, mais. Ouais. Alors, du coup. Oui, donc Katago, bah oui, donc effectivement, Katago, c'est la version, on peut dire, la version open source, la version libre d'AlphaGo. Et donc, bah, ce champion de métal, n'est-ce pas, comme on dirait, vient de se faire plier par un joueur en viande. Alors, même pas un c'est top incroyable, niveau. Ça, c'est, enfin, bon, c'est venu de nulle part. C'est pas du tout dans la tendance de ce qu'on relaie en matière mais d'intelligence artificielle. Mais pas du tout, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Alors, c'est pas un joueur top niveau, mais c'est pas moi non plus, hein. C'est un très bon joueur, mais il n'est pas de classe champion du monde, quoi. Alors, pour ça, il a quand même reçu l'aide d'un ordinateur. Alors, pas pendant le jeu. Ah pas pendant le jeu, pas pendant le jeu, mais avant en fait. Il y a un logiciel qui a joué 1 million de parties contre Katago pour essayer d'y déceler des manies, des faiblesses, des zones aveugles qu'un joueur humain, donc un peu bête, hein, pourrait exploiter. Donc il en a trouvé une, parce qu'en fait Katago il est perturbé quand on l'encercle doucement, tout en détournant son attention en jouant dans les coins de temps en temps. Enfin, régulièrement tu essaies de l'enfumer un peu comme ça. Alors évidemment c'est un équilibre subtil parce qu'il faut l'enfumer, mais il faut quand même continuer à jouer dans les règles et tout et pas se perdre. Donc c'est pas évident, mais c'est faisable. Et Kellyn Pellerin, c'est un Américain, il a réussi donc à damer le pion, à mettre la pierre où je pense en fait, à Katago 14 fois sur 15. Et pourtant, contre un bon joueur humain, cette technique n'aurait jamais marché. Toute championne qu'elle est, l'IA s'est révélée vraiment stupide. Et donc, au-delà de l'anecdote et de bah, peut-être motiver Lycédol à sortir de sa retraite, ça prouve que l'intelligence des IA est vraiment très artificielle, quoi. Et on leur attribue parfois un peu vite une perfection qu'elles n'ont pas du tout. Les systèmes IA fonctionnent différemment, ils ont leurs faiblesses aussi. Et bon, voilà, en ces temps de super hype pour l'IA, bah, c'est quand même bien fait qu'elle se soit fait pourrir. Voilà. Bien fait pour leur gueule, après tout, c'est comme ça. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment pas venu. Je pensais pas qu'on aurait ce type de news avant un moment et c'est très chouette. Bon, tu nous parles aussi de temps en temps, Guillaume, comme tu nous parles beaucoup du traitement des images, des myriages, tu nous parles aussi de temps en temps des vaccins, des petits virus qui sont insérés dans les images pour protéger leur génération et leur reproduction. C'est aussi là-dessus que vient la news suivante. Oui, on parlait de faiblesse des réseaux de neurones. Bah, c'est exactement ce qui est exploité par des chercheurs de l'Université de Chicago pour protéger le style des artistes dans des images. Donc les protéger bah, contre Stable Diffusion et compagnie, hein, bien sûr. Donc ces modèles sont très doués pour recréer le style de n'importe quel artiste, hein, et pourvu qu'il soit suffisamment présent dans son dataset. Alors comment éviter ça ? Alors, comment éviter à un artiste hein, qui veut pas que son style soit reproduit de se le retrouver un peu partout, sachant que se retirer du dataset initial n'est pas suffisant, parce qu'il est toujours possible de continuer à entraîner après coup un modèle, donc un modèle de base, mais tu l'entraînes après coup avec des images que tu veux. Donc la communauté Stable Diffusion ne s'en prive pas, et d'ailleurs fait des modèles d'une puissance absolument incroyable. Bon, en 2020, SandLab avait donc de la même université de Chicago, avait donc diffusé un logiciel qui s'appelait Fox. Qui permettait d'altérer les photos de soi pour empêcher les algos de reconnaissance faciale de fonctionner. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une appli PC et Mac qui est toujours disponible et qui a toujours son intérêt s'appelle Fox, comme Guy Fawkes. Guy Fawkes, l'anglais, mais surtout voilà, le masque très connu de V pour Vendetta, c'est le masque de Guy Fawkes. Donc si vous voulez pas alimenter les bases de Clearview et compagnie, par exemple, ça peut être pas mal. Donc, cette appli utilisait une méthode qui transformait l'image de votre tronche en image adversarielle, alors qui s'appuie en quelque sorte. En fait, ça veut dire que ça appuie là où ça fait mal pour l'IA. Donc, pour nous, la reconnaissance se fait toujours, hein, on reconnaît toujours le genre, mais il y a des petites distorsions introduites qui sont amplifiées par l'IA quand elle essaye de reconnaître et qui du coup ne reconnaît plus. Et en quelque sorte, c'est un processus un peu similaire qui est utilisé par Glaze, qui fait un peu la même chose pour les œuvres d'artistes en camouflant leur style. Donc c'est pareil, pour nous, il n'y a pas de changement vraiment notable, mais pour l'IA, le style qu'elle en déduit n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Donc l'idée, c'est d'extraire les données de style d'une image, bah, comme on le ferait avec Stable Diffusion, en fait, hein, c'est vraiment ce qu'ils font. Mais par contre, au lieu de l'utiliser pour l'appliquer à une autre image, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'utiliser pour... Enfin, ils vont le déformer et altérer subtilement l'image d'origine pour lui appliquer une forme c'est de camouflage. C'est une sorte de préservatif, quoi, si vous voulez. Alors, c'est imperceptible. C'est légère. Ça se voit un tout petit peu, mais ça défigure pas du tout l'image. C'est très subtil, en fait. Un petit peu visible, mais c'est très subtil. Par contre, ce que ça fait, c'est qu'ensuite, le transfert de style n'est plus possible par une IA. Donc, tu peux toujours essayer, mais visuellement, ça donnera rien qui ressemble au style d'origine. Et en fait, si tous les articles utilisent cette protection, le problème pourrait se résoudre tout seul parce que le système pourrait être perdu. Voilà. Les modèles de génération d'images, ils vont évoluer en permanence, ils vont être entraînés sur des bases de données qui vont être sans cesse mises à jour, forcément. Les images protégées, s'il y en a de plus en plus, elles vont en quelque sorte empoisonner les données, de sorte que les modèles finiront par ne plus être capables de reproduire de style non seulement les styles protégés, Mais ça va même encore plus loin. Parce que si les images visuellement semblables ont des styles qui sont totalement différents du point de vue de l'IA, elles risquent de finir totalement perdues et risquent de plus pouvoir reproduire de style du tout. Alors oui, ça va faire pleurer beaucoup d'amateurs de mirage, hein, je comprends très bien. Néanmoins, 90% des artistes interrogés sont chauds comme la braise pour utiliser Glaze. Donc, C'est une technique de filigrane à la Getty Images, mais qui se voit presque pas. Moi, honnêtement, quand je regardais l'article que tu as mis dans les notes de l'épisode dans le cadre de la préparation, je trouvais, tu sais, le premier triptyque, là, je vois pas la différence. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des histoires de petites couleurs un petit peu. Non, ça dénature pas du tout. Justement, ça dénature pas du tout l'œuvre. Hein. C'est vraiment très, très subtil. C'est beau, bravo, belle performance. On termine cette rubrique avec les mirages qui sont interdits par une nouvelle entreprise, c'est Bungie, Guillaume, qui a été racheté par Sony, non, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est le dernier, oui, tout à fait, c'est le dernier en date. Il y a quelques mois maintenant, pardon. Mais... Tout à fait, après, oui, c'est de Bungie, donc ils continuent à maintenir Destiny 2. Et bon, du coup, il y a une grosse communauté, évidemment, autour de Destiny. Et donc, toutes les semaines, il met en avant des illustrations, des œuvres créées par la communauté. Et puis là, il y a eu, il y a eu un mirage. Il y a eu une œuvre créée par IA. Bon, les gens s'en sont pas plus que ça cachés, hein, mais bon, voilà, ça a émergé comme la meilleure image de la semaine. Et ça a évidemment causé beaucoup de remous. Et du coup, Bungie s'est dit que désormais, il y aura plus de mirage jamais dans les tops de la semaine. Bon, ça va être difficile forcément, hein, parce que c'est de plus en plus difficile d'identifier l'art génératif. Hein, si tu ne vois pas six doigts ou deux nombrils, des fois c'est vraiment difficile. Donc il va commencer à y avoir une pression sur l'art génératif quand même, hein, et peut-être que le Japon va être le laboratoire des régulations sur le sujet. Il y a une célébrité qui s'y intéresse. Déjà, cette célébrité, c'est Ken Akamatsu. Alors, pourquoi une célébrité ? Parce que Ken est mangaka, et c'est l'auteur de Lovina. Donc rom-com très connu des années 2000, et c'est aussi d'ailleurs, de manière assez savoureuse, l'auteur de AI Nonstop. AI Nonstop, un manga de romance aussi très léger sur une IA sexy, codée par un lycéen obsédé, et qui finit par prendre vie. Donc voilà, c'est assez rigolo. Enfin, je trouve ça marrant, mais je suis un peu seul, mais bref. Ken Akamatsu est donc aussi devenu politicien. Il est élu sous la bannière du parti de la majorité au pouvoir, hein, c'est-à-dire le LDP, donc le Liberal Democratic Party. C'est à droite, voire carrément vraiment à droite, et c'est assez cocasse parce que Akamatsu a été un fervent défenseur de la liberté d'expression et aussi du droit au lolicon, c'est-à-dire le droit de créer des images de manga avec des filles plutôt jeunes et plutôt sexualisées. Truc qui n'était pas trop le dernier à faire dans les années 90. Bon, un sujet culturel qu'on va surtout pas aborder ici, mais voilà, je suis quand même mort de rire qu'il soit à la chambre des conseillers. Enfin bon, en tout cas, il a une base de fans fidèles et un certain pouvoir législatif, et on peut dire qu'il connaît bien le milieu artistique manga animé. Et donc c'est assez logique, hein, qu'il était le premier à dégainer des propositions pour tenter de réguler le secteur. Donc il a fait dans une vidéo très illustrée, où on voit d'ailleurs des images faites par Waifu Diffusion, Novel AI et compagnie. Et les propositions sont assez classiques et très mesurées pour le moment, hein. C'est un droit à se retirer des datasets, une nouvelle licence pour être rémunéré sinon, mais à définir, c'est très très préliminaire. Ça aura quand même eu la vertu de réveiller un peu les collègues, parce qu'il y a d'autres membres de la diète qui sont allés voir les artistes, du coup, voilà. L'anxiété générale commence à arriver vers les politiques. Et on l'a déjà dit, hein, mais le Japon, c'est un pays dont le soft power repose en bonne partie sur ses arts graphiques, quand même, hein, manga et animé en tête, hein, ça s'exporte très bien. C'est un enjeu de rayonnement international, mais c'est surtout un secteur économique très important dans le pays, avec beaucoup de travailleurs et une énorme communauté. On voit des fans très impliqués. Donc le Japon, c'est un pays à surveiller sur ce terrain, voilà, les réactions sont intéressantes. Trop bien, je l'avais pas vu venir, le Japon impliqué dans ce sujet-là, mais c'est bien mis en lumière. On a terminé cette rubrique intelligence artificielle et on va terminer cet épisode supplément avec un beau cadeau qui est une mini chronique des composants, une actualité autour de nos pupus, et à commencer non pas par des pupus toutes mignonnes, toutes discrètes, mais des grosses pupus, Guillaume, pour des commencer. Grosses pupus. Oui, la taille compte, en tout cas pour les puces, hein, la taille est extrêmement importante. Alors en général, on préfère quand c'est tout petit, justement, parce que c'est moins cher, à l'unité c'est moins cher, et donc on aime bien économiser au maximum la surface. Mais bon, quand on est dans le luxe, tu vois, quand on aime, quand on a la passion, on mégote pas et on veut des grosses puces. Parce que ça veut dire qu'elles sont super puissantes, parce que ça veut dire qu'elles sont pleines de cœur, qu'elles ont plein de mémoire cache. Tout ça prend de la place, hein. Les plus puissantes, c'est des puces fat, tu vois. Donc on regarde les M1 Ultra, on regarde les GeForce 4090. Alors pourquoi pas faire des puces encore plus grosses, hein. Si on compte pas, on a dit, alors pourquoi pas. Et c'est ce qu'a fait Cerebras, qui a pondu une puce qui fait un wafer entier, qui donc fait la taille d'une assiette, quoi. Bon, j'ai déjà parlé plein de fois de Cerebras parce que c'est fascinant et c'est original. Hein. La plupart des supports ordinateurs alignent des CPU multicœurs avec des grosses GPU. Donc avoir un super ordinateur avec un seul processeur mais complètement démesuré, c'est assez unique. Et bon, jusqu'ici, Cerebras, comme son nom l'indique un peu, se spécialisait dans le deep learning, dans l'intelligence artificielle. C'était efficace. Hein. La grande force des CS1 et des CS2, c'est d'avoir une grande quantité de mémoire embarquée extrêmement rapide, aussi rapide que du cache, sur la puce, mais il y en a des gigas et des gigas. Et ça permet d'éliminer pas mal de goulets d'étranglement et de maximiser la puissance qu'on peut extraire d'une finesse de gravure choisie. Parce que c'est pas une technologie vraiment exotique, hein. C'est juste toujours, mettons, du 7 nanomètres TSMC. Mais ouais. Le fait qu'on ait tellement de surface et de composants à disposition permet d'attendre des performances très importantes, parce que ça limite énormément les allées et venues de données entre les cœurs, les puces, etc. Et ça économise beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? En fait, il y a des chercheurs qui ont réussi à faire autre chose au Cerebras que du calcul de deep learning. Parce qu'il n'y a pas que l'IA hein, qui a des gros besoins. Il y a la simulation de physique aussi, hein, la simulation de mécanique des fluides en particulier. Alors, la météo, tu nous avais expliqué. Exactement, mais que ce soit pour la météo, pour l'ingénierie aussi, pour tout ce qui est l'aviation, pour ce qui est les voitures, ou pour ce qui est... Bah, les applications sont innombrables. Hein. Voilà, c'est vraiment extrêmement commun. Et quand on arrive à multiplier par 470 les performances de sa simulation, on est content. Et on se dit même que ça pourrait tout changer. Alors, la simulation en question comportait 200 millions de cellules. Il a été exécuté par le superordinateur Joule. Et Joule, c'est pas un CPC, hein, c'est quand même pas le 52. Non, pas lui. Non. C'est un truc, voilà, qui fait ça et qui sait calculer. Donc c'est même le 52e plus puissant ordinateur du monde. Et malgré ça, le CS2 de Cerebras et sa grosse puce sont allés 470 fois plus vite. Donc ça fait passer des simulations monstres en temps réel, en fait, hein, voire plus vite que réel au lieu de prendre des semaines. Donc pour le moment, ça reste un travail de recherche. Il faut généraliser un peu les algorithmes pour que ça soit vraiment utilisable en production, mais ça pourrait être une véritable killer app. Ça veut dire que finalement, ce type de super puce, c'est quand même un moyen d'extraire toujours plus de performances de processus industriels qui, eux, s'améliorent de moins en moins vite. Donc Cerebras, ben, c'est peut-être une voie pour un futur où le calcul de performance utilisera majoritairement des puces monstres, qui n'ont plus rien à voir avec celles de nos PC, hein, des super machines plus exotiques. Et finalement, on reviendrait un petit peu dans les années 80-90, finalement, avant que tout ne se standardise autour de clusters Xeon, on avait des machines qui étaient faites sur mesure et qui étaient vraiment exotiques et vraiment marrantes. Et ben, peut-être qu'on va devoir revenir là-dessus pour, ben, toujours pareil, maintenir le lot de Moore. Après tout, à fond derrière la loi de Moore, à fond. On fait un petit tour du côté, alors d'un cœur, mais pas d'un cœur de processeur, du kernel de Linux, parce que le kernel Linux intègre encore la compatibilité avec des pupuces qui n'ont plus forcément lieu d'être, Guillaume. Et il faut mettre à jour tout ça. Oui, c'est là que j'utilise l'occasion de parler de l'Itanium. Tu te souviens de l'Itanium, Guillaume ? Pas du tout. Mais évidemment, comme j'ai lu l'article et que j'ai préparé, oui. Je me suis rafraîchi à mémoire, mais je ne m'en rappelais pas. L'Itanium, moi, ça m'évoque tout le début de l'ère 64 bits chez Intel. C'était une bataille qui sera gagnée haut la main par AMD, d'ailleurs, avec une solution bien plus simple. Alors, Intel, c'est la première puce 64 bits d'Intel, lancée en 2001, et c'est un animal exotique. C'est rare comme un léopard des neiges, et c'est à peu près aussi bizarre qu'un ornithorynque. Parce que le 64 bits, c'est pas évident au début. Hein. Dans les années 90, HP fait des recherches sur une nouvelle génération de processeurs qui pourrait aller plus vite en exécutant plus de choses par cycle, pour chaque cycle d'horloge. Alors, en époque, on est monocœur, hein, vous enflammez pas, un CPU, c'est un cœur, point, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas les CPU d'essayer d'exécuter plusieurs trucs par cycle d'horloge. Mais bon, c'est quand même pas facile, faut innover. D'ailleurs, si on pense en termes d'usine de Castor, c'est une usine de Castor qui a plusieurs ateliers. Voilà, plusieurs ateliers de traitement de noisettes. Et elle traite des batchs, des lots de noisettes simultanément. Donc le truc, en fait, c'est le point cœur, c'est la logistique. S'il y a trois ateliers de traitement de noisettes, ils doivent traiter des lots indépendamment, parce qu'ils ne se parlent pas, les ateliers, tu vois, dans quand ils bossent. Donc il doit y avoir une unité logistique d'abord qui fait le tri. Il fait le tri des lots de noisettes et qui les réarrange en lots indépendants avant de les envoyer aux ateliers. Et à la sortie, il y a aussi une unité logique qui reçoit les lots traités, qui les remet dans l'ordre qui remet dans l'ordre toutes les commandes, si tu veux, et qui renvoie tout ça au client. Alors, c'est pas forcément facile, la vie de castor logistique, ça, parce que ils doivent tenir des registres de quelle noisette vient d'où, où elle va, dans quel lot elle est placée. Il y a une traçabilité, il y a des normes, il y a plein de formulaires, il y a des castors qui scannent les noisettes, il y a des castors qui remplissent les cases, tu vois, faut pas se planter, hein, parce que sinon c'est la cata, les noisettes partent en cacahuète, et le client sera pas content. Bon. Et bon, s'il y a plus d'ateliers, il y a plus de boulot. Donc on va devoir embaucher plus de gars à la logistique. S'il y a 5, 10 ou 12 ateliers, À un moment, il va y avoir plus de castors qui travaillent là que des castors qui font le vrai boulot demandé sur les noisettes. D'autant que bon, l'usine castor elle a un budget limité, ce qui veut dire une masse salariale contenue, hein. Une masse salariale qui doit être efficace, faire plus avec moins, limiter les pauses, bon, enfin, tu connais la chanson, quoi. Voilà, bref, les castors qui remplissent des formulaires, c'est des castors qui bossent pas sur les noisettes, et comment faire pour remettre tous ces gras de papier au boulot? Parce que, voilà, comme souvent, comment faire si tu veux faire ce genre de truc, si tu veux limiter la logistique, eh ben, tu fais bosser le client. Donc, on va demander au client d'organiser lui-même, de s'organiser lui-même, les batchs de noisettes. Donc, le client devra dorénavant envoyer lui-même des lots de noisettes prêtes à être traitées directement. Et ça le saoule, le client. C'est vrai, c'est chiant, parce que c'est du boulot en plus avant d'envoyer aux usines. Mais en contrepartie, ben, on double le nombre d'ateliers. Et le boulot qu'il demande est beaucoup plus vite fait. Donc l'un dans l'autre, il s'y retrouve. Tout le monde est content. Bon, par contre, Castor Logistics s'est dissous. Par contre, voilà, on en fait les ateliers 4 à 8. Par contre, ça bouscule un peu les habitudes. Hein. C'est sûr, le client doit mettre la main à la pâte et parfois, il a du mal à optimiser ses commandes. Et quand c'est comme ça, il y a chômage technique. Voilà, dans certains ateliers, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? On s'occupe, hein, on fait des noisettes grillées, on invite les petits, hein, les castors juniors. Bon, cette organisation du travail porte un nom très poétique, c'est VLIW pour Very Long Instruction Word. Donc un processeur VLIW, en général, il est très large, c'est-à-dire qu'il a un gros potentiel, il a beaucoup d'ateliers, mais il prend aucune initiative. Et tout ce qu'il doit faire est encodé dans ces mots très très très longs d'instructions. Et qu'est-ce qu'il sait qu'il va devoir se fader d'optimiser le code à la place de cette feignasse de CPU ? Ben, c'est le compilateur. Donc en gros, avec un VLIW, vous avez soit un très bon compilateur et ça donne de très bonnes performances, soit non, et c'est une grosse bouse. Donc HP, avec foi pourtant de le VLIW, hein, et avec Intel, ils vont mettre au point une variante, c'est-à-dire qu'ils vont appeler EPIC. EPIC pour Explicitly Parallel Instruction Computing. Donc le Explicitly Parallel, ça veut même dire ce que ça veut dire. Hein. Soit tu es explicite sur ce qui se calcule en parallèle, soit tu vas te faire voir. Donc HP et Intel pensent que le futur Itanium va tout défoncer, hein, qui va devenir l'architecture majoritaire sur les serveurs, qui va même gagner le grand public à un moment. C'est une toute nouvelle architecture, en plus, qui n'a rien à voir avec les Xeon et compagnie. Elle est 64 bits, et elle brille la nuit, elle est belle. Bon, alors, dire que le développement de l'Itanium a été un cauchemar, sans doute, c'est un petit peu trop indulgent. La première puce, qui s'appelle Merced, chauffe horriblement, elle chauffe comme une baraque à frites, elle est trop grosse, elle prend retard sur retard. Elle finira par sortir en 2001, et personne n'en veut plus, puisqu'il y a une bien meilleure version qui est prévue pour l'année suivante. Donc en gros, Merced est une cata. L'archi est lente en émulation sur le code classique x86 en 32 bits. Et puis elle est même pas fameuse sur son propre langage, parce que les compilateurs sont pas matures. Du coup, après, il y a McKinley qui est arrivé. Plus crédible, donc il se vend un peu, mais bon, il se vend surtout à HP. Et HP, c'est son papa. Donc c'est un petit peu comme si ta maman achetait 80 singles, elle toute seule, tu sais, tu vends ton premier single et ta maman achète 80 exemplaires, c'est un petit peu la même chose. Ouais. Mais bon, on commence à croire que peut-être, oui, Itanium va faire son trou. Fin 2001, il y a un super ordinateur Itanium qui rentre dans le top 500. En 2004, il y en a un autre qui est numéro 2 d'ailleurs, avec un score de presque 20 teraflops. 20 teraflops, c'est mignon, hein. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. En 2003, AMD sort son Opteron, qui est 64 bits aussi, sauf que lui, il saoule personne. Voilà, il utilise les mêmes instructions qu'avant, les registres sont grossis et c'est tout, tu vois, il est rétro-compatible. Et donc AMD64 fait un carton, c'est un upgrade simple, moins cher, que demande le peuple. C'est à tel point qu'Intel va devoir suivre, et honte suprême, sortir une architecture 64 bits qui sera compatible avec celle d'AMD, son concurrent. Parce que c'est celle que tout le monde utilise encore aujourd'hui. Et au passage, évidemment, le premier clou dans le cercueil d'Itanium était planté, hein, puisque la famille va continuer quand même d'évoluer. Les puces vont progresser, devenir multicœur évidemment. À son apogée, elle sera quand même le quatrième architecture pour serveur après donc Intel x86, PowerPC et Spark. Mais bon, c'est parce que HP a beaucoup soutenu Itanium, c'est un euphémisme, hein, et ça explique que l'architecture ait vivoté aussi longtemps, jusqu'en 2017. Mais déjà dans les années 2010, la part des serveurs risqués Itanium était en chute libre, les Xeon avaient tout bouffé, les Opteron aussi avaient tout bouffé. Je sais pas si Itanium a jamais dépassé les 5% de part de marché en vrai. Bon, maintenant que j'ai battu mon propre record de l'intro la plus longue pour la news la plus courte, voici la news. Pas trop, mais c'est intéressant de se replonger dans cette histoire de l'Itanium qui aurait pu... Bon, en fait, non, sur le papier, c'était un petit peu perdu d'avance quand même, j'ai l'impression. Surtout quand AMD a sorti sa proposition, c'était un peu perdu quand même. Ils ont été très ambitieux au début, ça a été compliqué. Et puis c'est vrai que le VLIW, si tu veux, c'est... Ça a été utilisé beaucoup dans les cartes graphiques, le VLIW, parce que c'est très déterministe. C'est très très massivement parallélisable et c'est assez déterministe les charges graphiques. Donc du coup, ça a été utilisé dans des Radeon par exemple. Et bon, ça a son intérêt. Pour pour les puces qui sont vraiment polyvalentes, quoi, pour les CPU qui doivent vraiment avoir tout c'est type. Ingérable. Ben, ça met une charge sur le compilateur qui est quand même vraiment importante et c'est très difficile de les exploiter au maximum pour des charges qui sont ultra générales, quoi, générales. Donc c'est pour ça que c'était compliqué aussi hein, pour Itanium, en plus du fait que bon, il était voilà, toujours très cher, c'est des puces très très haut de gamme, toujours très cher, et qu'il y avait un concurrent, surtout la concurrence d'AMD l'a complètement flingué, parce qu'il était moins cher, plus simple, rétrocompatible, il n'y avait aucune raison d'utiliser Itanium. À un moment, il n'y avait aucune raison d'utiliser Itanium, ce n'était pas HP, quoi. Mais bon, bref, Itanium a quand même intégré les systèmes d'exploitation, il a été intégré dans Windows Server, bien entendu, jusqu'à, bref, ça fait une belle lurette qu'il n'y ait plus, mais bon, voilà, il a été intégré un bon moment pendant Windows Server, évidemment, il était intégré dans Linux. Mais le truc, c'est que, bon, bah, évidemment, là, le truc, c'est que, bah, il y a pas grand monde qui l'utilise, l'architecture Itanium. Bah et surtout, oui, ça doit pas survivre énormément. Oui. Ben, il y a plus personne et qui la maintient, l'architecture Itanium dans le noyau Linux. Il y a zéro personne qui maintenait l'architecture Itanium, qui a bien failli se faire virer du noyau, du coup. Parce que voilà, elle était encore dedans. Alors, Alpha aussi, c'est encore dedans, hein, donc ne riez pas, hein. Il y a pour plein de choses dans le noyau Linux. Mais bon, donc elle était maintenue et utilisée par plus personne. Linus Torvalds lui-même était un peu triste de la virer, comme quoi finalement il a un cœur tendre, cet homme. Oh. Et bon, là, miracle, un unique gars, un physicien qui s'occupe aussi de Debian, s'est porté volontaire pour maintenir Itanium dans le noyau, en tout cas pour Debian. Et le mec a même un serveur Itanium dispo pour le test. Un serveur Itanium, je pense que c'est une sorte de cryptide aujourd'hui, une sorte de cryptide informatique, tu vois. C'est très très très très rare. D'ailleurs, si vous avez un processeur Itanium chez vous, c'est collector. Hein. Si vous d'ailleurs le jetez pas, si vous voulez le jeter, envoyez-le moi parce que c'est vraiment très très rare. Ça peut se vendre cher. Ben, je sais pas, mais non, mais serait-ce rien que pour la collecte, avoir un Itanium, ça m'éclaterait. Bon, enfin, si c'est un serveur de 70 kilos, je sais pas ce que je vais en faire, mais si c'est un processeur, en tout cas, ouais, ça m'intéresse. Le processeur, il m'intéresse. Mais bon, voilà, Itanium n'est pas tout à fait mort. Il bouge encore un tout petit peu. Ça ne tient plus qu'à un fil. Et voilà, peut-être cette bonne âme passera le flambeau à son fils, ensuite, et peut-être que l'Itanium se transmettra de génération en génération jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire vers 2050 à peu près. Oh. Merci pour cette rétrospective historique et pour avoir éclairé la finalement assez courte vie de l'Itanium, mais qui a vécu assez longuement pour arriver jusqu'à ici. Et puis on termine avec Aurora presque Borealis pour Intel, Guillaume. Ben oui, bah, puisqu'on parle d'Intel, on va finir sur Intel avec son test qui s'est révélé un succès. Il a testé son Borealis. Bravo. Borealis, qui est un galop d'essai pour Aurora. Et oui, Aurora Borealis, vous l'avez, ben oui. C'est beau. N'est-ce pas? Aurora, c'est le super ordinateur Intel qui doit tout déchirer, et voilà, mais qui est aussi super en retard, et il doit comporter par moins de 10 000 lames de serveur. Donc chaque lame, c'est 2 Xeon SP et 6 GPU. Non, chaque lame. Putain, si je ne dis pas la lame, elle doit peser un nanomort. Bon, Borealis, c'est exactement pareil, mais avec 128 lames. Et bon, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup moins, mais avec 128 lames, ça marche. Borealis est tout à fait stable, il pète le feu. Enfin non, justement, il n'y a pas de feu. Donc c'est très bien. Et l'idée maintenant, c'est d'analigner plein des trucs comme Borealis pour avoir un Aurora complet. Donc voilà, parce que normalement, bah, si ce bloc marche bien, bah, le reste devrait rouler. Hein, donc ils sont quand même assez optimistes. Alors bon, la machine complète fait quand même 600 tonnes et 2 terrains de basket. Donc il y a encore la place de s'emmêler dans les câbles. Ouais. Mais bon, oui, normalement, voilà, Aurora devrait pointer à l'horizon. Ok, magnifique. Bah écoute, on se réjouit. Merci beaucoup, Guillaume. Ça avance en tout cas. Merci beaucoup à vous qui avez écouté cet épisode supplément avec des sujets très divers. Et si vous avez besoin de vous arrêter un petit peu sur des sujets autour de la désinformation, et puis évidemment, l'incontournable actualisation de la formation autour de l'intelligence artificielle, rendez-vous dans l'épisode hebdomadaire de Tech Café. C'est l'épisode précédent dans le flux du podcast. On compte sur vous pour parler de Tech Café à votre entourage, à vos collègues, à vos amis, peut-être à votre famille, peut-être que vous avez des amis autour de vous qui se posent la question un petit peu justement de quelle est la portée de Story Killers, ces révélations en matière de l'industrie de désinformation, et on le sait, c'est que le début. Il y aura des chapitres suivants qu'on continuera à suivre ensemble dans Tech Café. Merci évidemment d'envisager le soutien sur Patreon, patreon.com/techcafé, qui nous permet bien évidemment de garantir la pérennité du podcast. En attendant, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bon, oui, bah moi, peut-être me retrouver sur VRChat, pour discuter, hein, pour discuter, bien sûr, voilà. Très bien. Bah écoute, peut-être moi aussi. Mais on le fera pas ensemble, Guillaume. Mais peut-être moi aussi, il va savoir. Et sinon, si jamais vous ne me retrouvez pas sur VRChat, vous pourrez me retrouver sur Mastodon, mastodon.social/GuillaumeVendée. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.